de dur. Le savoir est une arme posée sous nos tempes. C'est aussi dur d'en savoir tant que rien. Cicatre alimente ce cordon ombilical qui relie joie et tristesse. Les lois et l'ivresse, ça s'encase au sud-est. Est-ce les solutions qu'on apporte ou une révolution qu'on importe? À toi de prendre tes notes. Soit, sache que psychiatre vient pas sauver le monde, ni instaurer une mode, prends tes notes. Merde, c'est tant qu'on attend ce moment. Ils ont fait de nous des momies, le rap c'est ce qu'on vient mimer. Nos vies, une cassette, si après le bouton rec. On a promis de faire le double de la cassette. Donc, voici l'album, voici notre bombe. Une participation à l'explosion du gang, check sur ton bang. On reste à jeun si t'es pas dans le coup. On n'offense personne, encore moins nos frères dans le coup. Qu'est-ce qui dirige notre stylo? Nos mains, nos cerveaux ou notre cœur? Mes mots s'en mêlent et cette vie d'épilepsie me fait perdre ma langue. Mange donne ça comme ça vient, sœur. Mange donne ça comme ça vient, sœur. Psychiatre, c'est bien l'heure, voici l'album en sueur. Ça sent gaz, tiens. Lève ton briquet. Voici celui qui vient y ouvrir la terre et les cieux. Cet âme de patience n'a nul nerf d'être prétentieux. Celui d'où vient la rage, la passion, la foi interne. Là où les durs marchaient sans lanterne. Voici le temps des comptes fournis. Avis aux attendeurs. Psychiatre est sorti. Si tu vois que l'album crée d'espace, c'était dans le monde réel. Différents graphismes, fantasmes. T'inquiète, l'album vient pas défier. Mais justifier les années de galère et de bonheur que t'as apprécié. L'album, psychiatre vient vers écran. Dédié au black, rouge, jaune, white, déjà sous écrou. Voyons, tu te reconnaîtras dans nos écrits. L'album, c'est un mélange d'intellect et de voyous. Bref, ça sent le gaz, certains l'ont prédit. C'est pour mes gars entourés de ciment, l'album, voici. J'ai le cœur prêt à m'arracher le torse. C'est la passion. Merci à vous l'équipe, pour votre force. Vos lumières sur ces poudrières que je prenais pour des bougies. Vos prières pour la magie. Pour vous, je suis l'âme des blocs, l'arme des blocs, la lame des blocs, la larme des blocs, la lune des blocs, l'humeur des blocs, l'amour des blocs, l'art, l'or, l'air, car c'est l'heure des blocs. Faut que ce bise et ses carottes, je cause pas de la peine. En tout cas, quand il s'agit de tuer, je suis comme la mort, je pose pas de la peine. Pour une équipe rap massif, ouvre ton cœur, écoute, car voici.